Comprendre les instructions simples d'un itinéraire. Exercice 3. Au fait, merci Nathalie pour l'invitation à ta soirée d'anniversaire. Tu peux compter sur moi. Comment fait-on pour aller chez toi ? J'habite au 81 rue de Gergovie dans le 14e. Alors, les stations de métro les plus proches sont Pernetti sur la ligne 13 ou Alésia sur la ligne 4. Ah bon ? Alors si j'arrive par le métro Pernetti, qu'est-ce que je fais après ? Tu sors du métro, tu prends la rue Raymond-Losserand en direction de la rue d'Alésia. Dans cette rue, il y a une boulangerie-pâtisserie et une épicerie. Et tu verras un kiosque à journaux à côté de la station de métro. Puis, tu tournes à gauche, dans la 5e rue. D'accord. Et si je viens par le métro Alésia, comment ça se passe ? Tu sors place de l'église. Fais attention. Tu dois prendre la rue d'Alésia dans le bon sens, en direction de la rue des Plantes. Et après, tu verras, il y a une brasserie, une librairie et des boutiques de vêtements. Tu marches environ 10 minutes et c'est une rue à droite, juste après la rue Didot. J'ai compris. Enfin, je crois. Si jamais je ne suis pas sûr, je te téléphone. Pas de problème. Je viendrai te chercher si tu te perds.